peur du noir, j'ai peur du noir. Même avec de la lumière, même avec de la lumière. J'ai peur du noir, même avec toi. J'ai peur du noir, j'ai peur du noir, même avec de la lumière. Noir, même avec de la lumière. J'ai peur du noir, j'ai peur du noir.